Allez, ne t'en fais pas. Reste au creux de mes bras. Ma voix te bercera dans la peur et le froid, comme au premier matin. Oublie tous tes chagrins. L'enfant qui pleure en toi va retrouver sa joie. L'amour est toujours là, il n'attendait que toi. Vois le jour s'élever sur ton cœur irisé.